je vois le genre. Votre femme et vos gosses vous rendent dingue. Il vous faut un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à désinguer, je présume. Et on faisait une petite partie d'échecs. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu ? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers ? Oh, c'est super cool ! C'est peut-être un jeu underground qui l'a développé. Drôle de jeu où pour gagner, il ne faut pas jouer. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ludologie. Ludologie, le jeu sous toutes ses formes, où on s'attache une fois toutes les deux semaines à décortiquer le jeu, souvent sous des aspects sociaux, sociétaux, en invitant un ou une spécialiste de la question que nous étudions. Aujourd'hui donc, nous allons parler visual novel avec notre invitée Alia. Les visual novels sont-ils vraiment des jeux ? C'est la problématique que nous avons décidé d'aborder aujourd'hui sous un angle un peu provocateur, n'est-ce pas Adrien ? Tout à fait. Je préfère avertir, je connais très très mal le visual novel. Je m'y essaye, je me suis essayé en tout cas avec le très récent et gratuit Doki Doki Literature Club, qui a une certaine renommée pour des raisons que personne ne veut révéler d'ailleurs, ce qui est un peu troublant. Tout le monde vous dit « joue à ce jeu-là », mais on ne te dira pas pourquoi. Et du coup, je ne l'ai pas encore fini, mais je vais le faire. Je lutte, mais je vais le faire. Donc on va essayer de ne pas faire d'immondes spoilers, même si je pense qu'on va devoir quand même peut-être l'évoquer un petit peu. Enfin, ça dépend de la direction que prendra l'entretien. Donc Adrien, notre caution masculine de ce podcast, qui va poser des questions certes naïves mais nécessaires. Et donc Alia, peut-être que tu souhaites te présenter ? Alors, je m'appelle Alia, mais ça vous l'avez déjà dit. Alors, je ne viens pas du milieu du visual novel à la base. Je traînais plutôt dans le milieu de la japanimation au sens plus large du terme. Donc, j'avais entendu parler un petit peu du terme parce qu'on a des personnes qui importent, qui créent des visual novels dans ce milieu-là. Et j'ai commencé à m'y intéresser sur le tard parce que depuis un an, je crée un visual novel, ou en tout cas, j'essaie d'en créer un. Et ce n'est pas si facile que ça pourrait en avoir l'air. D'accord. Et justement, tu viens d'évoquer les premières difficultés dans la conception d'un visual novel. Est-ce que tu penses que ces difficultés sont inhérentes au genre visual novel, ou alors qu'il y en a d'autres qui sont inhérentes au fait de faire un jeu vidéo, tout simplement ? Les deux, effectivement. Après, c'est vrai que j'avais déjà créé, mais plus justement du manga, de la bande dessinée, donc c'est pas du tout les mêmes problématiques. Il y a des choses qui sont plus simples et d'autres plus compliquées. Mais c'est vrai qu'on peut avoir tendance à sous-estimer un visual novel. Pour ceux qui connaissent, il faudra sûrement qu'on définisse quand même au bout d'un moment assez rapidement le terme, mais on a du texte et des images en 2D, on se dit bon, ça va être simple, et en fait ça prend quand même un certain temps de production, que ce soit en écriture ou en dessin, c'est-à-dire que contrairement à la bande dessinée à laquelle je suis habituée, où on fait un storyboard puis ensuite on fait page par page, on peut se permettre, bon, ça c'est dans le milieu amateur, on peut se permettre sur une page de ne pas passer trop de temps par exemple parce qu'une case va être lue en une seconde par le lecteur. Dans le visual novel, certes vous n'allez dessiner qu'une seule fois votre personnage qui ensuite apparaîtra pendant tout le jeu, mais comme le joueur va le voir ce visuel pendant 50 heures, il faut le lécher au maximum. Et puis ça, c'est sans parler des problèmes liés au code, mais ça, tous les développeurs le connaissent. Coder quelque chose, ça ne marche pas, et on prend 80% à débugger plutôt qu'à concevoir. Alors justement, tu voulais qu'on évoque la définition. C'est quoi un visual novel, et aussi qu'est-ce que ça n'est pas ? Par exemple, je pense, là, on fait un podcast audio, est-ce que ça peut être audio, un visual novel ? Alors, je pense que pour l'audio, de manière assez certaine, je peux dire non, parce que le texte est vraiment une dominante essentielle du visual novel. Après, la définition du visual novel est un sujet compliqué, parce qu'il y a une définition historique, et cette définition a connu des évolutions ces derniers temps. Après, il y a des choses quand même qu'on retrouve dans toutes les définitions, notamment effectivement la composante majeure qui est le texte. De toute façon, visual novel, roman visuel. Donc on est bien sur un roman qu'on fait défiler, que le joueur fait défiler avec des images très souvent en 2D en arrière-plan. Après, c'est là que ça se complique parce que dans la définition habituelle historique, on va dire, du visual novel, quand les premiers jeux ont été importés en Occident, quand on a commencé à connaître ce genre-là, eh bien, c'était quelque chose de très défini avec des codes bien particuliers. notamment le fait que, alors il y a deux sous-genres, on peut dire. Il y a des visual novels où il y a certainement un roman à suivre, il n'y a pas de route, il n'y a pas de choix, c'est ce qu'on appelle les kinetic novels. Donc là, on défile le texte, il n'y a qu'une seule fin, finalement, vous avez tourné les pages pour simplifier. Et sinon, il y a un autre genre où là, on a des branches narratives multiples qui s'appellent des routes, mais ce n'est pas comme dans les jeux occidentaux, vous n'attendez pas à avoir des choix toutes les deux secondes, ce n'est pas du tout ça. C'est, vous avez une introduction, un prologue, et puis au bout d'un moment, on vous demande de faire un choix qui est important, qui va généralement vous amener à vous rapprocher d'un des protagonistes du jeu, puisque effectivement, il y a un aspect de romance, on en reparlera. Et là commence une route. Donc vous faites une première route avec votre petite chérie préférée. Et quand vous avez fini cette route, vous pouvez très bien reprendre le jeu et faire une deuxième route avec une autre protagoniste, un autre protagoniste. Les deux sont possibles. Et ces différentes routes vous amènent à avoir des informations supplémentaires sur les personnages, sur le jeu. Il y a des histoires qui se bâtissent grâce à ces différents regards. En fait, c'est un espèce de puzzle qu'on reconstruit grâce aux différentes routes. Et dans beaucoup de jeux, il y a la quête de du one true path, donc le seul véritable chemin. C'est-à-dire qu'en ayant débloqué les différentes routes, là, on débloque une route supplémentaire qui est en fait la véritable fin recherchée. Alors, tous les jeux ne fonctionnent pas comme ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve souvent. Est-ce que je ne sais pas si j'ai défini si... Quand tu dis que c'est quelque chose qu'on retrouve souvent, c'est que c'est quelque chose qu'on retrouvait beaucoup historiquement dans les visual novels originaux qui venaient du Japon, ou est-ce que ça a été une tendance qui s'est vraiment accrue à l'arrivée en Occident? Comment ça s'est passé historiquement, ce virage-là? Alors en fait, c'est assez paradoxal parce que le terme visual novel n'existe pas au Japon. Donc c'est pas un genre qu'on a importé en disant bon, le visual novel c'était comme ça au Japon, donc il faut faire comme ça en Occident. C'est un peu plus compliqué que ça. Au Japon, on appelle ça plutôt des jeux d'aventure, adventure game, et avec différents sous-genres en fonction du public auquel ils s'adressent. Donc vous allez avoir les jeux à destination du public féminin, où là il s'agira plutôt de se rapprocher d'une jante masculine, et les jeux à destination d'un public masculin, donc là c'est le contraire. Et quand les premiers jeux ont été importés en Occident, ça a été, on les a appelés visual novel, et se sont créés des codes à partir des tout premiers jeux qui ont été importés. On ne s'est pas dit il existe tel genre au Japon, tiens on va importer tout le genre en lui-même, c'est on a importé quelques jeux et ça a créé un modèle. Donc Clannad qui est très connu par exemple, auquel moi je n'ai pas joué mais que dont je connais les visuels, le nom parce que c'est un jeu culte, qui a été un des premiers à être traduit par un studio, qui du coup a façonné un peu le genre, c'est pas le seul mais c'est un de ceux qui ont façonné le genre. Et donc comme effectivement le corpus de base en fait en Occident est très réduit, et donc ça a permis de codifier vraiment avec notamment cette histoire de routes multiples. Et au contraire, l'évolution actuelle c'est de se dégager de ce modèle. Il y a eu plusieurs phases. Tout d'abord on a créé des jeux, il y a des anglophones ou même francophones qui ont créé des visual novels en essayant d'imiter à tout prix le modèle japonais. Donc là, il fallait faire des jeux... parce que c'est vrai que je n'ai pas parlé de la dimension de la durée, mais c'est vrai que généralement, c'est des jeux qui jouent sur l'immersion. Donc le temps de faire toutes les routes, ça peut prendre facilement 40-50 heures. Donc là, c'est des gens qui ont essayé de faire des jeux à l'image de ce qui existe, ce à quoi ils avaient joué, des jeux japonais. Donc des grandes productions qui se passent souvent dans un lycée, avec on retrouve des noms japonais, etc. Progressivement, ils ont réussi un peu à prendre leur distance avec ce modèle. Donc on a commencé à avoir des visual novels dans des settings plus européens, ou en tout cas qui ne se situaient pas forcément au Japon. Et là, à l'heure actuelle, la définition est vraiment en train de changer. Alors certains ne seront pas d'accord avec ce que je vais dire. Parce qu'il y a plein d'amateurs qui créent du visual novel et qui ne s'inspirent plus forcément des codes de japonais. Et donc là, on commence à avoir des formes narratives notamment qui sont différentes. Avec des jeux très courts, une petite expérience, tiens, je vais faire une tranche de vie, je vais draguer 2-3 personnes sur un temps de 20 minutes, et puis hop là, au revoir, et puis c'est bon, le jeu il fait 20 minutes. Ce qui est une aberration pour les joueurs historiques de visual novel par exemple. Tu as cité quelques mots qui m'ont tilté à l'oreille, le manga, le lycée. Est-ce qu'on retrouve, à l'instar du manga où tu as parlé dans le cas de la distinction de public visé plutôt féminin masculin, est-ce qu'on retrouve des codes assez similaires? Je pense par exemple pas une détestation de l'adulte parfois dans le manga, mais parfois on est quasiment là. La quête initiatique qu'on retrouve, je crois, sur les CNN, je crois, les shonen, etc. Est-ce qu'on retrouve des codes justement aussi marquants que dans le manga? Je vais compléter la question parce que je pense que ça a un lien aussi. Mais est-ce que on pourrait réattribuer la classification manga shonen, seinen, shoujo, yuri, etc. aussi au visual novel? Clairement, il y a des liens. Il y a des jeux yuri, il y a des jeux yaoi. Donc, pour ceux qui connaissent pas, yuri, c'est les romances lesbiennes, yaoi, les romances homosexuelles mais masculines. On retrouve ces classifications. Après, on peut pas le calquer non plus complètement. Parce que le seinen, par exemple, ça va être donc des mangas à destination d'adolescents, jeunes adultes, avec des thématiques sérieuses. Et il se trouve que, historiquement, quand même, il y a assez peu de visual novel au Japon qui s'extraient de la dimension de romance. Donc vous n'allez pas trouver un shonen à la Naruto, où vous allez enchaîner les combats avec les potes, etc. Ça, peut-être que ça existe, mais dans ce cas-là, vous m'envoyez, il n'y a pas de souci. Hein, je ne me prétends pas expert non plus, donc envoyez-moi la référence, ça m'intéresse. Mais c'est vrai qu'on ne va pas avoir un genre de shonen en visual novel. On va surtout retrouver de la romance malgré tout. Alors après, c'est une image réductrice. C'est beaucoup de personnes, dont moi, aimeraient qu'on se détache un peu de cette structure parce qu'on peut faire tellement de choses avec le visual novel. C'est un peu dommage de se contenter de faire de la romance, je trouve, à titre personnel. Mais donc oui, on retrouve plutôt de la romance. Donc la romance destinée aux filles, bah oui, ça se rapproche du shoujo, malgré tout. On va avoir les mêmes clichés de personnages, surtout. C'est les archétypes de personnages qu'on va retrouver, le beau gosse ténébreux, le garçon timide qui est très sensible, etc. Et puis on va retrouver, du côté des jeux destinés aux garçons, effectivement, on va trouver la jeune fille qui paraît très dure en apparence, mais en fait, elle a un cœur fondant à l'intérieur, et puis tout le contraire, la fille très cute de prime abord et qui en fait recèle une part plus sombre. Donc tous ces archétypes de personnages, on les retrouve. Et c'est vrai que le visual novel me fait beaucoup penser à un anime, si ce n'est que ça augmente la dimension d'immersion, puisque là, très clairement, très souvent dans les visual novels, le personnage principal est une coquille vide qui sert à s'identifier avec le joueur. Enfin, qui sert au joueur à permettre l'identification avec le personnage. Et comme on joue pendant 40-50 heures à débloquer des routes, des fins, on débloque aussi les CG, c'est-à-dire que quand on arrive à des événements forts du jeu, il y a une illustration plus léchée que d'habitude qui apparaît, et il y a une galerie de ces illustrations, donc on fait la collection de ces images-là. Bah forcément, ça augmente l'implication du joueur. Et donc, quand on arrive au climax final épique, parce que on a beaucoup parlé de romance, mais c'est vrai que c'est des choses qui peuvent s'entremêler avec des histoires complètement épiques, de science-fiction ou quoi que ce soit. Hein, ça peut s'intégrer dans des univers très fouillés. Eh bien, je pense que la satisfaction et l'implication émotionnelle pour le joueur est d'autant plus grande, en fait. Le fait que ce soit un jeu, alors est-ce que c'est un jeu, est-ce que c'est pas un jeu, on va y revenir. Mais c'est vrai que les joueurs historiques, l'historique, j'en sais rien, mais en tout cas, les joueurs que j'ai côtoyés dans le milieu de la Japanimation disaient facilement qu'ils lisaient des visual novels. Et quand un visual novel intègre des mécaniques de gameplay plus poussées, c'est, dans le milieu, on se pose la question, est-ce que ça devient un jeu ? On retrouve moins ces questions maintenant. Je pense que c'est plus accepté que le visual novel est une forme de jeu, mais à une époque, ça n'allait pas du tout de soi. En fait, ça me fait penser à plusieurs visual novels que je joue récemment, faits par la même personne / boîte, parce qu'il me semble qu'elle est seule et elle fait appel à des graphistes et à des sound designers, etc. C'est Anako Games qui fait tout un bundle de jeux Yuri, parmi lesquels Black Closet, où on joue... quelque part le cabinet noir d'un lycée de jeunes filles qui va enquêter sur ce qui se passe dans le lycée, etc. Et avec du coup une vraie mécanique gameplay de aller... c'est un peu glauque parfois, hein, c'est un Black Closet, quoi, là, d'aller harceler, d'aller poser des questions, d'aller fouiller des chambres, etc. pour démêler les affaires et que le lycée ne perde pas en réputation. Il y a un autre jeu comme ça qui s'appelle... Magical Diary, où en fait c'est clairement un setting à la Harry Potter, et où j'ai été halluciné par le fait qu'en plein milieu du visual, t'as une des profs qui commence à expliquer qu'il y a un pronom neutre pour désigner les créatures magiques, et le jeu commence à utiliser le pronom neutre même dans la narration à partir de ce moment-là. et où il y a une mécanique de donjon pour les examens, où on parcourt un labyrinthe un peu au RPG, au vieux RPG 3D genre Might and Magic de l'époque. Donc à chaque fois, c'est des jeux qui intègrent non seulement de la visibilité LGBT et des thématiques comme ça progressistes qui font un peu du bien, mais en plus, d'un point de vue gameplay, il y a toujours une recherche supplémentaire, il y a toujours des choses... Donc moi, ma question par rapport à ça, c'est est-ce que ce que fait Anako Games, c'est un ovni dans le monde du visual novel ? Est-ce que c'est une recherche, pour le moment, très marginale vis-à-vis de ce qui se fait habituellement en visual novel ? Ou est-ce que récemment, on a vraiment vu une remise en question des codes et est-ce qu'on se dirige vers autre chose par rapport au visual novel ? Non, je pense que c'est vraiment une tendance qui est plus marquée à présent. On trouvait déjà des jeux, vous pensez à Phoenix Wright, qui peut être considéré par beaucoup comme un visual novel, qui a pourtant des mécaniques de gameplay autres que simplement faire défiler du texte. Danganronpa aussi, qui se situe dans la même lignée, a aussi des mécaniques de mini-jeux lors des phases de tribunal. Mais c'est clair qu'à l'heure actuelle, en fait, le genre du visual novel se prête très bien aux hybrides. C'est facile. On peut concevoir un jeu avec des phases de dialogue où là le jeu se rapproche énormément du visual novel et d'autres phases avec une mécanique différente. Je pense à un visual novel qui était sorti c'était il y a quelques années avec une esthétique très cyberpunk. Alors le nom, faut pas que je me trompe, c'est Va 11 All A, je crois, et où on joue en fait un barman. Qui du coup reçoit les discussions de ses clients, on découvre les vies des clients, mais on ne les découvre que si on fait les bons cocktails. Donc il faut faire correctement son cocktail pour pouvoir avoir accès aux histoires des gens. Et c'est tout à fait logique et c'est tout à fait cohérent et c'est ce que j'aime énormément. Je pense qu'il y a énormément de visual novels, ça va être un peu, si je peux le répéter 5 fois, 10 fois dans ce podcast, je le ferai, parce que vraiment c'est une incitation à la création, c'est quelque chose qui n'est pas si compliqué, enfin parmi les différentes façons de créer un jeu vidéo, c'est pas si compliqué de faire un visual novel. Si vous avez une idée, un thème que vous voulez aborder ou un message que vous voulez faire passer, mais lancez-vous, quoi. C'est vraiment génial. Il y a plein de game jams qui se font. Il y a justement la Yuri Game Jam qui existe et qui donne lieu à plein de jeux très sympas. Il y a le mois de mars est aussi traditionnellement consacré. Alors dans l'écriture, il y a le NaNoWriMo qui est donc le National Novel Writing Month. Donc un mois où on essaie d'écrire un roman. Eh bien, il y a l'équivalent pour le visual novel qui s'appelle le NaNoWriMo. Du coup, le National Bref, on crée un visual novel en un mois, en mars, donc c'est pas facile. Des équipes se créent à ce moment-là, mais c'est très intéressant, ça peut être des occasions de se lancer. Mais allez, c'était la petite parenthèse pour en revenir à cette histoire d'hybride. Oui, à l'heure actuelle, les gens créent des visual novels. Alors c'est toujours inspiré des codes japonais, c'est toujours beaucoup de romances, etc. Mais ils se détachent de plus en plus du modèle et donc spontanément, quand vous avez un outil dans les mains, très souvent RenPy, qui est le logiciel le plus connu pour créer des visual novels, qui existe depuis très longtemps, donc il y a une communauté soudée qui peut offrir de l'aide pendant le développement, qui a pu inclure plein de fonctionnalités. Quand vous avez RenPy dans les mains, rien ne vous empêche de faire quelque chose qui soit autre que faire défiler du texte. En fait, la joie, enfin, dans le jeu que je suis en train de créer... quand il faut aller entre la pièce A, la pièce B et la pièce C, oui, je peux faire un choix textuel. J'écris, voulez-vous aller dans la chambre, dans le réfectoire ou ailleurs ? Ou je peux configurer une image, ce qu'on appelle une image map, donc une image où vous avez des zones qui passent en surbrillance quand vous passez la souris dessus, et vous sélectionnez la pièce sur le plan. Et ça vous éloigne du visual novel historique, mais pour autant, est-ce que ça n'en fait plus un visual novel ? Pour moi, je considère que c'est toujours un visual novel, mais certains me diraient non. Je pense. Si. Je voulais préciser un truc aussi par rapport à ma question de tout à l'heure, mais plus pour la destination de nos éditeurs et auditrices. Le jeu le plus connu de Anako Games, il n'est pas cité, donc c'est un peu dommage, c'est Long Live the Queen, qui est quand même beaucoup plus connu que les autres et qui peut servir de porte d'entrée aussi. Donc voilà. Bah c'est bien, ça permet de découvrir d'autres jeux et de s'initier à ce truc-là. Il y a un truc qui est assez marquant vu de l'extérieur. En tout cas comme sensation de l'extérieur, c'est l'idée de non-choix. On a l'impression qu'on va défiler le texte. Alors certes, oui, il y a des moments où on va faire des passages à la souris, etc. Quelle est la part de jeu là-dedans ? Et au final, on en vient à cette question de fond. Est-ce que c'est un jeu ? Et si oui, pourquoi ? C'est pas pour rien qu'effectivement, à une époque, même toujours maintenant, des gens disent qu'ils lisent des visual novels, ce qui est tout à fait logique. Et les joueurs ne recherchent pas forcément cette part de choix, parce que le fait d'avoir un jeu très linéaire, comme dans les JRPG par exemple, permet d'avoir un scénario très poussé, donc une immersion maximale et un impact émotionnel et gravissime au moment où on va arriver au climax. Donc, quelle est la part de jeu ? Effectivement, en termes de gameplay, si on a une définition... ludique du jeu vidéo, donc le jeu vidéo se définit par sa spécificité qui est le gameplay. C'est clair que le visual novel ce n'est que très peu un jeu. Après, je pense que les personnes qui disent jouer à des visual novels ont plutôt l'école de narration, l'école du gameplay, mais c'est plus l'ajout des différentes composantes artistiques, le scénario plus l'art plus la musique qui crée un sentiment d'immersion, qui leur font ressentir des émotions, pour le coup, qu'ils ne pourraient ressentir que comme joueurs et non pas en tant que lecteurs, même si on peut avoir des émotions similaires. Mais là, l'impact est d'autant plus fort qu'ils ont quand même, malgré tout, une interaction même si limitée. Donc oui, je suis d'accord pour dire que parmi les jeux, les visual novels sont une forme, c'est peut-être la forme la moins jeu du jeu. J'ai pas de souci à le reconnaître. Après, avec l'avantage avec l'évolution des visual novels à l'heure actuelle, c'est qu'on a des jeux qui sont beaucoup plus de choix. Donc si vous n'aimez pas les jeux où il faut simplement faire défiler du texte, bah, ça tombe bien pour vous. J'ai un exemple en tête qui est magnifique. Alors je ne sais plus le nom du studio, si, Moa Cube, qui ont sorti Cinders il y a quelques années, alors qu'il y a une reprise de Cinderella, donc Cendrillon. Et pour le coup, c'est vraiment le visual novel repris à la sauce occidentale, c'est-à-dire pour le coup, on s'affranchit complètement des inspirations japonaises, on reprend juste le cadre et on va incarner Cendrillon, mais pour le coup qu'on voit à l'écran, ce qui n'est déjà pas si classique dans un visual novel. Généralement, on est soi-même le personnage, donc on ne le voit pas souvent à l'écran. Et pour le coup, la mécanique de choix est beaucoup plus proche d'un jeu, d'un RPG occidental, c'est-à-dire que toutes les 3 secondes, vous êtes amené à faire un choix dans le dialogue. Comme à la limite un Mass Effect, on vous donne un dialogue et puis vous dites bah oui, je vais plutôt agresser, je vais plutôt essayer de persuader, je vais plutôt essayer de faire comme ci ou comme ça. Et là, pour le coup, vous avez des choix réguliers avec plus ou moins d'impact, plus ou moins de branches. Il y a Along the Edge, qui est un visual novel français qui est sorti il y a quelques années aussi, qui pour le coup a maximisé les branches, enfin maximisé le nombre de branches. Votre personnage, vous le faites évoluer, vous avez 2 axes. Je crois qu'il y a un axe rationalité, un axe magie, un axe moral-immoral. Et en fonction de ces 2 variables, le jeu ne se déroule pas de la même manière. Et pour le coup, il y a je ne sais pas combien d'embranchements. Donc là, on se rapproche de d'autres formes de jeu, un peu les jeux dont vous êtes le héros. Ou en tout cas, on a plus de choix, plus de branches dans la narration. Même Out There Chronicle, qui est un jeu récent de Miklos Studio, ça se rapproche du visual novel. C'est un jeu donc, de science-fiction qui se présente comme une BD interactive de science-fiction. Effectivement, vous avez des superbes illustrations, mais au final, vous faites dérouler du texte, vous faites des choix. Pour le coup, vos choix peuvent mener à une mort certaine ou vous permettre de continuer. Donc, c'est clair qu'on a de plus en plus. Alors après, il ne se présente pas comme visual novel. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose de significatif. Parce que utiliser le terme de visual novel, ça ne va pas sans conséquence. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser le terme. Ça veut dire que les gens qui sont intéressés par les visual novels vont venir voir votre jeu. Si votre jeu il dure 2 heures, c'est prendre le risque sur Steam par exemple d'avoir une review assassine en mode mais comment ça, c'est pas possible, ça c'est pas un visual novel. Attention, pas tout le monde, hein, mais c'est vrai que la base historique peut être déçue de l'évolution ou de ne pas trouver des jeux à la hauteur de ce que eux ont connu. Donc en fait, dans les jeux actuels qui se rapprochent du visual novel, vous allez très peu trouver l'étiquette visual novel, sauf dans le milieu amateur où là il n'y a aucun souci. Vous allez sur itch.io, vous cherchez le tag visual novel, vous en aurez plein. Mais dans les jeux qui ont une ambition commerciale, le terme visual novel est assez peu amené. Je m'étais amusée à regarder, et c'est toujours expérience narrative, BD interactive, roman interactif, mais on ne va pas mettre le terme visual novel qui est trop connoté. Et Adrien, toi qui ne connais pas, qui ne joue pas au visual novel, c'était quoi ta perception là, avant cette émission ? C'est que des jeux de drague ? Est-ce qu'il y a cette connotation très forte qui peut effectivement empêcher une partie du public de venir à ces jeux-là ? Donc on a passé à peu près une 20aine de minutes à définir, ma vision est tout à fait différente, mais je vais expliquer. Effectivement, avant de commencer Doki Doki Literature Club. J'avais une vision assez biaisée, clairement, du visual novel. Je pensais que c'était des jeux, effectivement, qui mélangeaient donc visuel, son et texte, et en fait qu'on cliquait pour faire défiler du texte, avec parfois quelques embranchements selon qu'on veut draguer tel ou tel personnage. D'ailleurs, je ne pensais pas que c'était essentiellement de la romance, en fait. Je pensais que ça pouvait être de l'enquête ou tout simplement un peu comme les histoires dont vous êtes le héros. Là, maintenant, après ces 20 minutes, je comprends le visual novel comme... je vais essayer de prendre des mots très génériques, histoire de un peu sortir de l'aspect japonisant. Je vois ça comme donc une expérience à la fois littéraire et ludique. Littéraire parce qu'effectivement, il y a le mot, il y a le verbe, et donc on peut travailler ça. Pour moi, la littérature, c'est l'expérience des mots, donc on peut jouer avec, on peut créer la disparition de Pérec, etc. Et le jeu, justement, que ce soit jeu vidéo, jeu de rôle ou jeu de société, c'est l'art de l'interaction. Et effectivement, le visual novel peut s'y prêter, puisqu'en fait, on interagit d'une manière ou d'une autre, que ce soit effectivement via d'abord sur la première partie les choix, et ensuite sur la rejouabilité, où là on va prendre d'autres choix jusqu'à arriver au climax. Ce qui, du coup, m'amène à un autre, on l'a évoqué à l'instant, c'est est-ce que un livre dont vous êtes héros peut être un visual novel ? Est-ce que un jeu de rôle papier peut être un visual novel ? Ou alors, je pense à des formes ludiques, et pour le coup, jeux vidéo plus aléatoires. Je pense notamment à Reigns, ce jeu mobile où en fait on incarne donc un roi et une reine pour le deuxième épisode, où en fait on tire des cartes en fait avec des choix et on ne peut répondre que oui ou non. Et en fait, donc c'est envoyer chier le curé ou pas, ou au contraire dans son sens. On a, notre femme ou notre compagnon qui nous fait chier, on l'envoie chier ou pas. Et pareil, on remplit des jauges. Est-ce que c'est un visual novel ? Et j'irais même jusqu'à compléter par des formes de jeux de plateau, tels que Andor, par exemple, où clairement c'est de l'hybride jeu de plateau, jeu de rôle, de certaines façons, où régulièrement en fait on va avoir des fiches de scénarios à lire à haute voix aux autres gens, ou par exemple Sherlock Holmes Détective Conseil, où on va pouvoir mener une enquête en lisant à haute voix autour de la table et résoudre cette enquête en savoir dans quel lieu on va aller pour aller chercher des indices. Peut-être que voilà. Bah, c'est un peu le problème de l'évolution de la définition actuelle, c'est que à se dissoudre dans les autres formes narratives, il n'y a plus vraiment de spécificité. C'est compliqué. Reigns, je me suis vraiment posé la question. J'adorais ce jeu. Et pour moi, c'en était pas, mais je ne savais pas vraiment définir pourquoi. J'ai regardé sur Internet, des gens utilisent le terme visual novel pour décrire Reigns, à ma surprise, parce que c'est vrai que je n'aurais pas associé spontanément les deux, même si je comprends pourquoi. Hein, mais... Je me dis que finalement, peut-être ce qui nous amène à définir un jeu comme visual novel à l'heure actuelle plutôt qu'un autre, c'est presque l'interface. C'est-à-dire, imaginons un jeu très proche d'un visual novel, on fait des choix, etc. Mais tout est en 3D. Alors ça existe, hein, mais tout est en 3D. Et puis vous avez des phases des phases de gameplay un peu plus poussées, comme on peut déjà trouver dans un visual novel en 2D. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'à l'heure actuelle, vous avez un jeu en 2D où vous avez des phases de dialogue et puis de temps en temps, vous avez un gameplay plus poussé. Je pense que la majorité des gens à l'heure actuelle sont d'accord pour dire que c'est un visual novel. Vous prenez le même jeu, vous limitez à la 3D, et puis les phases de gameplay plus poussées, ça consiste notamment à déplacer votre personnage dans un environnement. Je pense qu'il y a déjà beaucoup moins de personnes qui disent que c'est un visual novel. Final Fantasy ? Oui, mais après, il y a le combat. Là, il y a toutes les mécaniques de RPG, de combat, etc., que pour le coup, on trouve très peu dans un visual novel. Mais c'est vrai que ça pose question. Je sais que j'avais pensé à un autre jeu, mais quand je parlais de la 3D, j'avais Herald en tête, qui est un jeu indé historique, donc vraiment qui s'inscrit dans une période, je crois que c'est le 19e, j'ai un doute. Les graphismes sont magnifiques, on a toujours ces sprites de personnages, enfin c'est pas les sprites, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Oui, la façade du personnage, la silhouette, enfin c'est un nom particulier, mais je ne sais déjà plus comment ça s'appelle. Et ces personnages en 2D sont animés, donc ça donne une fausse impression de 3D, et puis en plus derrière on a les personnages qui se déplacent en 3D dans leur environnement, donc c'est superbe, ça se réclame du visual novel, hein, et effectivement je serais tout à fait Pour moi, il n'y a pas de problème à le définir comme tel, mais pourtant, on voit bien que c'est de plus en plus flou. Quelle est la différence ? Après, j'ai du mal dans... Alors, je ne connais pas Andorre, malheureusement, mais un texte lu à haute voix, pour moi, oui, il manque cette interface de l'ordinateur, du texte dessus. Donc, je me rends compte que j'en viens à le définir par l'interface, qui est sûrement une très mauvaise manière de définir un jeu, un genre de jeu, mais de fait, c'est ce qui... c'est comme ça que je fonctionne, en fait, à l'heure actuelle, je m'en rends compte. Bah, je trouve pas ça si délirant que ça, en fait. J'étais en train de réfléchir justement, effectivement, est-ce qu'un jeu peut... typologie de jeu plutôt. Je préfère parler de typologie de jeu, se caractérise par l'interface. Et en fait, oui, en tout cas dans Ludologie, donc on s'intéresse à trois typologies de jeux qui sont le jeu vidéo, que je préfère d'ailleurs appeler jeu numérique. Parce que bah, y a pas que de la vidéo, il y a du son. On peut très bien imaginer des jeux vidéo aveugles. Ça se trouve, hein, notamment Papa Sengré, qui est assez connu, qui est un jeu purement sonore. Donc voilà, en fait, c'est un jeu qui fait appel à la puissance de calcul d'une machine. Voilà. Donc on s'intéresse aux jeux numériques, aux jeux de société, enfin plutôt aux jeux de table. Et encore, je fais encore très large. Beaucoup de gens pourraient me reprocher plein de choses. Le Twister, par exemple, n'est pas forcément un jeu de table. Pourtant, je pense qu'on est à peu près d'accord pour dire que c'est un jeu de société. Et le jeu de rôle, souvent appelé, on dit souvent jeu de rôle papier, mais en fait, non. Dans Ludologie, on a appris que ça pouvait aussi être un GN, un jeu grandeur nature. Et en fait, chacun se distingue d'une certaine manière. On a par exemple eu Romaric Briand qui disait que le jeu de rôle, c'était de la narration... Alors, comment il appelle ça ? De la narration collective aléatoire, un truc comme ça. Il a une définition hyper précise comme ça, etc. Et c'est vrai que le visual novel, bah, l'image, maintenant que j'en ai au bout de première demi-heure, c'est plutôt l'interface, effectivement, des personnages qui nous font face et on les écoute et on leur répond. Je ne sais pas si c'est si délirant que ça et je ne sais pas si mon intervention a un quelconque intérêt. Alors, on a forcément d'ailleurs une autre intervention que... De ta part, mais vu qu'elle était hors émission, je vais la résumer. Au moment de poser le contexte de cette émission et de se demander de comment elle allait s'appeler, on a parlé aussi de dating sim. Et c'est vrai que, sans vouloir balancer, au départ, tu confondais un peu les deux. Alors, et c'est là où moi je t'ai dit, de façon un peu naïve, mais en tout cas c'est mon sentiment, que le visual novel a tendance à avoir une connotation dans l'esprit des gens qui est plutôt genrée féminine, là où le dating sim, on retrouve souvent le jeu de drague, parfois pornographique. Donc, qu'est-ce que tu aurais à en dire, toi, Alia ? Bah, moi qui ai découvert le visual novel sur le tard, je me disais que cette image de confusion entre le visual novel et le dating sim, c'était une erreur et que, évidemment, le visual novel, c'était bien plus que ça, etc. Et en fait, en m'intéressant à l'historique du genre, force est de constater que dans ses origines, les deux étaient plutôt confondus et qu'on trouvait rarement des jeux, des visual novels sans romance. Cette romance pouvait très souvent mener à des scènes effectivement pornographiques. Donc on appelle ça les érogués, du coup, ces visual novels-là. Alors après, on a des visual novels qui vont très vite à l'action sans trop de fioritures, et puis des visual novels qui, pour le coup, ceux dont on a plutôt parlé, là, qui ont des histoires développées, 40 heures de jeu, et puis il y a des romances qui s'installent, et oui, effectivement, au sein de la romance, mais finalement, c'est plutôt accessoire, on a une ou deux illustrations un petit peu plus chaudes que les autres. Il y a des jeux d'ailleurs qui proposent de désactiver dans leurs options ces scènes-là. Je pense à Katawa Shoujo qui est un jeu qui a été développé par des membres de 4chan autour de jeunes filles handicapées. Et malgré toute la crainte que cela pourrait susciter, la session de 4chan et de Katawa... Eh bien, le jeu, non, le traitement est assez correct. Enfin, non. C'est un jeu qui a permis... voilà. Merci 4chan. Mais non, c'est un jeu en plus qui a permis à pas mal de personnes qui ne s'intéressaient pas au visual novel de s'y intéresser, parce que le jeu est vraiment pas mal du tout. Et donc oui, il y a indubitablement des liens entre les deux, et je pense que ces liens se défont de plus en plus, mais je pense qu'à l'origine, effectivement, c'était lié. Après, théoriquement, la distinction entre visual novel et dating sim... entre un visual novel romantique et un dating sim, c'est très ténu. Dating Sim, normalement, il y a une notion de variable, c'est-à-dire que pour pouvoir débloquer la romance qu'on peut pouvoir atteindre, il y a une notion de challenge, pour pouvoir atteindre la romance qu'on veut, oui, romance avec tous les guillemets, que cela nécessite, il faut bien jouer, il faut être un fin tacticien, et donc il y a des histoires de variables en fait derrière, puisque en ayant obtenu assez d'approbation, à chaque fois que vous faites une bonne action, vous avez un compteur derrière où il y a plus 2, ce compteur il peut être affiché ou pas. Et donc, dès lors que ce compteur n'est pas affiché, quelle différence avec un visual novel où finalement le joueur n'a pas accès, peut croire qu'il y a une variable alors qu'en fait il n'y en a pas, mais en tout cas le joueur n'a pas accès à cette statistique-là. Et c'est vrai que là, la limite devient vraiment ténue entre les deux genres. Pour moi, elle n'est pas si claire que ça, quoi, la limite entre les deux. Je ne sais pas si... Et si, je vais parler de mon expérience, pour l'instant en tout cas, de Doki Doki Literature Club. Dans Doki Doki Literature Club, je ne vais pas trop expliciter mon expérience, mais au bout d'un moment, dans mon personnage, j'étais invité à... on lui dit, tiens, tu dois choisir où est-ce que tu vas passer le week-end. Très bien. Alors, parce qu'il faut préparer le festival de littérature. Bah, moi, je suis un gourmand, je vais aller faire des gâteaux avec, je ne sais plus comment ils s'appellent, mais Sayori, je crois, on va manger des gâteaux, c'est cool. Et en fait, non, elle n'est pas partie pour manger des gâteaux. Et moi, je ne suis pas d'accord, mais j'ai pas trop le choix. Je suis pas habitué. Moi on me dit, je vais faire des gâteaux. Bah, je fais des gâteaux, moi, je suis obéissant, moi, je suis pas. Voilà. C'est marrant parce que, en parallèle, je discutais avec un pote à côté. Et il me fait, ah ouais, t'es parti dans le truc, dans le délire. Asexuel, qui n'est pas intéressé. Et du coup, j'ai pris ce parti pris. Et du coup, j'étais un peu... Alors, pour l'instant, je n'ai pas été très loin. Parce que juste après, un autre personnage m'avoue ses sentiments. Et je n'ai pas le choix. Soit c'est mon ami, soit je suis obligé de sortir avec. En tout cas, de lui déclarer ma flamme. Bah non, peut-être que je suis juste aromantique et la romance ne m'intéresse absolument pas. Je fais ça, je passe des péripéties qui m'arrivent. Et je me retrouve encore avec 3 nanas qui me draguent à fond. Et du coup, cette histoire de non-choix est assez perturbante, en fait. Et je voulais savoir si y avait des jeux qui traitaient de l'aromantisme et la sexualité. Alors, je pense qu'en fait, Doki Literature Club, c'est un assez mauvais plan pour pouvoir partir dans des chemins inhabituels, puisque justement, c'est presque une parodie satire de ce genre-là, donc forcément il réutilise ses codes, et donc toi qui ne connaissais pas ses codes, tu as été pris au dépourvu, tu t'attendais vraiment à faire des gâteaux avec Sayori, et tu t'en es trouvé bien, bien embêté. Après, c'est clair que si, je pense qu'il y a des jeux qui l'explorent, j'en ai pas comme ça qui me viennent en tête. Après, c'est clair que le visual novel a été bien approprié par des personnes qui sont intéressées par toutes les thématiques LGBT. Donc, on trouve beaucoup de plus en plus de jeux qui explorent ces thématiques. J'en ai fait un récemment qui s'appelait We Know the Demon, je crois. Alors, on suit 3 ados qui sont dans un camp aux USA. On se doute que c'est religieux. On se demande presque si c'est pas un camp de conversion, en fait, pour des jeunes qui seraient homosexuels ou quoi. On sait pas trop. Je crois pas que ce soit vraiment précisé dans le jeu. Et ils doivent passer une dernière nuit dans ce camp-là. Et attention, le démon, le diable va peut-être apparaître. Et en fait, on découvre l'intimité, en tout cas les problématiques ou les questionnements de ces ados-là. Il y a toute une thématique autour du péché, parce qu'on forcément on leur reproche, ils peuvent pas parler de ce qui les tracasse. Et ouais, ça laisse une forte impression. Et je pense qu'on doit pouvoir en trouver. Après, ça va être des jeux plus, pas expérimentaux, mais plus modestes. En grosse production commerciale, sincèrement, j'en sais rien. Mais c'est vrai que c'est un genre, le dating sim, c'est un genre très codifié. On trouve des parodies, mais je pense à des parodies ou des genres qui... des jeux qui réutilisent ces codes, mais dans d'autres directions complètement loufoques. Je pense à Hateful Boyfriend, le jeu de dating sim de pigeon. Ah, donc, il faut absolument... Enfin, il est très, très drôle. En termes d'écriture, c'est excellent. Qu'est-ce qu'on a dernièrement, c'est celui qui a bien fonctionné mais qui n'est pas parodique pour le coup, c'est Dream Daddy, qui a extrêmement bien fonctionné. Donc nous arrivons dans un quartier, vous êtes jeune papa célibataire et avec une fille, et vous arrivez dans un quartier de papa célibataire, et donc vous allez pouvoir peut-être trouver l'âme sœur parmi ces papas là Et le jeu a extrêmement bien fonctionné. Alors, il faut savoir que les développeurs du jeu avaient déjà une communauté, puisqu'ils viennent d'une chaîne YouTube très connue. Mais bon, le thème aussi intéressait les gens. Et puis, sincèrement, il est très bien écrit. Enfin, l'exécution est parfaite. Enfin, il n'y a rien à dire sur ce jeu, quoi. Donc, on peut trouver des jeux qui partent un peu des codes habituels. Mais j'avoue que pour l'aromantisme, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'aimerais revenir sur un truc qu'on a dit, mais il y a plusieurs questions par rapport au fait que ce soit un jeu ou pas. Et bah, parce que c'est vrai que le livre de Vous êtes le héros est à une proximité, enfin moi qui dans ma tête était évidente, parce que c'est vrai que ça a été aussi ma porte d'entrée sur pas mal de... Enfin, pour moi, j'ai commencé le jeu de rôle avec les livres dont Vous êtes le héros, donc c'est parce que je trouve ça lié aussi. Néanmoins, j'ai des souvenirs, je ne suis pas spécialiste en la matière, mais j'ai des souvenirs qu'on a tendance à classifier aussi les arts selon les grammaires spécifiques à ces arts-là. Donc, par exemple, pour le cinéma, il y a les termes de... Alors, merci Karim Debbache, hein, mais il y a les termes de cadrage, de plan, etc., qui ont tendance à être une grammaire spécifique au cinéma et à définir l'art cinématographique. Et pour le jeu vidéo, il y a d'autres grammaires. Et pour la littérature, il y en a d'autres aussi, que je ne connais pas forcément hyper bien. Néanmoins, par rapport aux visual novels, est-ce que tu verrais des termes spécifiques, une grammaire artistique spécifique aux visual novels qui démarque non seulement de la littérature, mais aussi éventuellement d'autres jeux? C'est une très bonne question. Je sèche un peu, mais parce que les termes qui me viennent à l'esprit en fait sont propres au visual novel. Bah, j'arrête pas d'utiliser le terme historique, c'est-à-dire le terme de route, par exemple, je trouve est assez spécifique quand même, puisque ça permet de démarquer du livre dont vous êtes le héros. Du livre dont vous êtes le héros, vous allez faire un choix toutes les pages, toutes les cinq pages. Là, la route, c'est vraiment quelque chose de spécifique. Vous verrouillez dans une route et vous la suivez jusqu'à sa fin. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans la littérature, mais pour le coup, cette notion de route, elle est en train de se perdre actuellement dans le visual novel. Donc là, j'ai rien qui me vienne à l'esprit. Après, il y a le jargon au niveau des développeurs, c'est-à-dire comment désigner, je ne sais plus le terme, je n'arrête pas de l'oublier depuis tout à l'heure, mais le terme pour désigner les sprites en fait, qui s'affichent à l'écran, ils ont oui, et puis je crois que c'est un terme vraiment particulier. Donc ça, oui, ce serait spécifique, mais est-ce qu'on peut... J'ai pas full de termes qui me viennent à l'esprit comme je pourrais en avoir dans d'autres domaines. Je pense à dans les genres proches, donc il y a tout ce qui est inspiré du livre dont vous êtes le héros, il y a l'interactive fiction qui n'est pas si loin que ça non plus, des jeux très textuels qui, pour le coup, a son vocable spécifique, mais en visual novel, j'ai... En vrai, c'est peut-être par mes connaissances, mais j'ai rien vraiment qui me vient à l'esprit. Tu parlais de cinéma, Sélénée, et tu as assez raison, parce qu'en tout cas, en roman visuel, alors je ne sais pas si on peut appeler ça un visual novel, justement, ou un roman visuel, il y a les jeux de Sam Barlow, le créateur de Her Story. Donc, Her Story, c'est un jeu, donc c'est une enquête policière. Vous êtes un policier, en gros, face à ce qui semble être un ordinateur des années 90, je pense, 80 peut-être. Et en fait, vous devez explorer enfin, en tout cas, ce qui semble être un interrogatoire d'une personne sur un meurtre. Ou ce qui semble un suicide, je ne sais plus. Et en fait, ça a le gameplay d'un moteur de recherche. Ça pose déjà la question, est-ce que c'est un jeu? Est-ce que c'est du cinéma? Est-ce que ça pose plein de questions? Et justement, est-ce que c'est un visual novel? Alors, étonnamment, Her Story, qui est très très bien choisi, n'est pas, je pense pas, je l'ai pas vu associé au terme de visual novel. Alors que pourtant, si on prend un jeu comme Emily is Away, qui est un jeu qui imite l'interface de MSN, enfin des messageries, vous apprenez à connaître une personne via donc votre logiciel de messagerie, et donc on a une romance en fait, hein, qui se crée. Eh bien, Emily is Away est considérée comme un visual novel, alors que Her Story, qui pareil en fait imite l'interface, une autre interface, et vous créez énormément d'immersion de cette manière-là, n'est pas vraiment, je pense vraiment pas qu'il soit considéré comme un visual novel. Est-ce que, encore une fois, c'est pas la dimension textuelle, c'est-à-dire que Emily is Away, c'est vraiment la fenêtre de chat qu'on défile du texte, alors que Her Story, c'est quand même, d'après ce que j'ai, enfin, c'est beaucoup d'interrogatoires, beaucoup de vidéos. Donc je pense que ça a quand même un impact, parce que c'est vrai que dans les définitions les plus consensuelles du visual novel, celles sur, tout le monde, sur lesquelles tout le monde arrive à se mettre d'accord, et c'est vraiment cette dimension de texte qui apparaît au premier plan. Bah, parce qu'on a quand même pas mal fait de définition, on a fait quand même presque, je pense, une demi-heure, trois quarts d'heure de définition. Maintenant, je me posais la question, on a parlé peut-être de certaines spécificités du visual novel, et j'aimerais voir ces spécificités en termes d'économie. Est-ce qu'il y a une économie particulière du visual novel ? Est-ce que ça se trouve sur Steam ? Ça se trouve en magasin, en physique ? Est-ce qu'il y a des réseaux spéciaux, comme par exemple, actuellement, je suis en train de me mettre à l'animé, et c'est pas facile, en fait, quand on connaît pas de trouver de l'animé. Donc Netflix m'aide beaucoup, mais je commence à arriver à bout. À une époque, c'était très compliqué. Il fallait te mettre au japonais si tu voulais y jouer. Ensuite, sont venus quelques studios qui se sont spécialisés dans la traduction et l'importation, la diffusion de visual novel, poussés aussi par les studios japonais, en fait, qui, eux, étaient en perte de vitesse, c'est-à-dire que leur niche au Japon est en train de diminuer. Donc, ils cherchent des publics occidentaux, un marché occidental. Ensuite, il y a une difficulté en Occident, c'est que, mine de rien, on parlait des liens entre dating sim, romance, voire contenu olé olé. Et bien, le contenu olé olé sur Steam, pendant longtemps, ça a posé problème. Donc, les jeux avaient une version, ils pouvaient avoir une version censurée, et la version non censurée était disponible sur le site du distributeur en Occident. Mais à l'heure actuelle, si tu te mets au visual novel, tu n'auras aucun mal à en trouver sur Steam. C'est d'ailleurs une des plaintes principales qu'on retrouve chez les joueurs en disant « Steam, c'est de la merde, c'est envahi par les visual novels à l'heure actuelle, nous, on n'en peut plus, c'est pas des vrais jeux, on en a marre. » Donc, cela dit, c'est vrai que moi, personnellement, qui ne suis pas intéressée, par exemple, par les jeux vraiment axés sur la drague ou sur le contenu porno, effectivement, quand je vais dans le tag visual novel et que je parcours Steam, faut savoir faire son tri, quoi. Donc, à l'heure actuelle, non, ça ne pose pas vraiment problème. Après, est-ce qu'il y a des spécificités du marché ? Il y a quelque chose qui est différent par rapport à l'industrie japonaise où il y a vraiment tout un... C'est transmédia, en fait, au Japon. C'est-à-dire que vous avez le visual novel et à côté de ça, vous avez les oreillers avec votre waifu préféré dessus. La wife, donc la femme, l'épouse chérie préférée sur l'oreiller. Pour les jeux qui se dessinent plutôt aux filles, on va avoir des CD avec le CU, enfin, donc les comédiens, les doubleurs qui font des CD d'albums spéciaux, etc. Donc il y a tout un... comme pour les animes d'ailleurs, il y a toute une industrie du produit dérivé autour de ça qui permet de consolider... c'est quelque chose de très implanté, alors qu'on n'a pas ce mastodonte-là en Occident, tant et si bien que... Alors, il y a des studios professionnels de visual novel qui ne sont pas japonais, mais par exemple en France ou dans la francophonie, il n'y en a vraiment pas des masses. En anglophone, j'ai Winter Wolf qui me vient en tête, mais ça va être qui fait plusieurs... ils font toute une série de jeux de visual novel de drague, généralement. On a aussi des jeux, beaucoup de jeux sur portable. C'est le studio 1492 qui fait toute une série de Is It Love, et donc tu joues un coup la romance avec le businessman, un coup la romance. Alors pour le coup, c'est vraiment romance-romance. Hein. Donc là, il y a toute une série de jeux sur mobile. Il y avait tout ce qui était amour sucré ou ce genre de choses aussi, hein, qui en font partie. Donc ça, c'est une des formes que ça a pris en Occident. Mais pour des studios qui essaieraient de créer du visual novel non porté sur la drague, il n'y a pas tant que ça. En France, j'en connais qu'un seul qui s'appelle... j'ai pas fait allemand. Traumendes Mädchen, je crois que c'est comme ça qu'on le prononce. Hein. C'est bien un studio français qui, pour le coup, avait déjà créé plusieurs visual novels au moment de sa création et qui est en train d'en créer un grand, là, vraiment une œuvre plus conséquente qui s'appelle Chronotopia. Mais j'avoue qu'à part ce studio-là, en France, par exemple, je n'en connais pas. Donc c'est un marché qui s'est internationalisé. On a d'abord eu la parution, la traduction et la distribution de visual novel japonais en Occident, puis on a des Occidentaux ou d'autres, je dis Occident, mais en fait à chaque fois ce serait plutôt non-japonais qui créent des visual novels. Parmi les anglophones, il y a eu plusieurs studios qui se sont créés. Cela dit, j'ai quand même l'impression qu'ils sont en perte de vitesse. Quand je regarde les ventes, j'aime bien regarder de temps en temps, ça baisse quoi. Enfin, Winter Wolves, de ce que je me souviens, il y avait... il y a quelques années, leur jeu faisait 50 000 ventes et maintenant c'est 10 000 par exemple. Bon, après, il y a tout un. Voilà, on pourrait parler du marché du jeu vidéo de manière plus globale aussi. Peut-être qu'ils ont d'autres sources de revenus que je ne connais pas non plus. Mais en tout cas, sur Steam, ça diminue. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose de viable vraiment. Après, moi, je reste convaincue que c'est vraiment quelque chose de sous-exploité. C'est-à-dire que quand vous regardez le tag Visual Novel sur Steam ou sur. Bon, itch.io, on ne fait pas masse de ventes sur itch.io, mais. C'est un peu, entre guillemets, toujours la même chose. On retrouve, même si on n'est plus dans le lycée japonais, finalement, on est souvent dans la romance. Alors que pour moi, on pourrait vraiment partir dans plein de directions. Et bah, j'en profite pour ajouter une couche. Mais vraiment, si vous avez, voilà, même au niveau du style graphique, on avait beaucoup dans le manga. Moi, la première, sincèrement, c'est parce que je dessine, c'est mon style quand je dessine. Donc j'ai beaucoup de mal à, je ne sais pas, faire autre chose. Mais si on pouvait avoir un visual novel, je ne sais pas, tout en aquarelle ou inspiré de Klimt, enfin j'en sais rien, si vous êtes artiste dans l'âme, faites un visual novel. Si vous êtes, associez-vous entre bons écrivains et bons artistes et allez-y, créez quelque chose. Cinders, j'en parlais tout à l'heure, parce que vous avez le condensé de Cendrillon, mais je n'ai pas précisé, c'est des illustrations de fou. C'est vraiment tiré d'un conte avec une minutie incroyable. Et on en a très peu des visual novels de cette qualité. Pour moi, ça reste sous-exploité. Donc est-ce que le marché a vraiment atteint ses limites? Je ne pense pas, j'espère pas. Après, il se trouve que les productions de très grande qualité ont tendance à mettre l'étiquette visual novel de côté pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que bah, finalement, visual novel, les personnes qui connaissent pas le terme bah, se disent bah, c'est pas pour moi parce que le visual novel c'est quoi, c'est les jeux de drag jap là, enfin ça m'intéresse pas. Et puis les personnes qui connaissent le visual novel sont déçues parce que peuvent être déçues parce que c'est pas, ça correspond pas à leur définition du visual novel. Une question con et rapide, est-ce qu'il y a des lootbox? Il n'y a pas de lootbox, mais je crois, alors je ne joue pas à ceux qui sont sur mobile, mais je crois qu'il y a des jeux de drague où en fait on a un nombre d'actions limité, malgré tout. Voilà, donc ça existe déjà. Et vous devez attendre ensuite 24 heures pour pouvoir refaire un certain nombre d'actions ou alors payer. Mais j'entends bien quand tu incites à créer, et personnellement, ça me touche même beaucoup en tant que créatrice aussi, parce que c'est vrai que j'ai des projets. Mais justement, de façon à la fois tout à fait intéressée, et je pense que ça peut intéresser nos auditeurs et nos auditrices, c'est quels sont les moteurs de création ? Tu as parlé de Renpy, dont j'avais déjà entendu parler, mais il y en a peut-être d'autres. Peut-être que tu peux nous parler des différents moteurs que tu aimerais conseiller toi, et surtout quels sont leurs avantages et leurs défauts. Tu veux dire que j'ai prononcé Renpy toutes ces années à tort? Non, je veux dire que peut-être que je prononce très mal en fait. J'en sais rien, bref, je continuerai à dire Renpy, c'est pas grave. Non, alors je vais avoir du mal à je peux vous parler de Renpy en large en travers. Je peux vous dire pourquoi je vous conseille d'aller sur Renpy plutôt que sur un autre moteur. Je n'ai pas testé les autres. Je n'ai pas testé les autres parce que... alors, il existe, si vraiment vous ne voulez pas vous prendre le chou, que vous n'avez aucune compétence en code, que vous n'avez jamais codé de votre vie sur quoi que ce soit, oui, il existe des logiciels qui permettent de créer des visual novels sans écrire une ligne de code. Malheureusement, j'ai juste un nom en tête, Tyranno Builder, parce que je m'étais renseigné à une époque. Je sais qu'il en existe d'autres depuis. Malheureusement, je ne peux pas là vous dire tout de suite maintenant lequel prendre, comparer, chercher how to make visual novel, et puis vous allez trouver, je pense, des articles qui vont vous synthétiser ça. Après, pourquoi j'inciterais à aller sur Renpy malgré tout ? C'est parce que, alors certes, Renpy, il faut coder. Après, c'est du Python qui est très, très simplifié. Si, personnellement, je n'ai jamais codé en Python, ni en PHP ou quoi que ce soit. J'ai juste fait un peu de HTML et CSS quand on était tous en train de bidouiller nos sites web. Voilà. Et ça me suffit. J'ai compris le principe du code. Vous avez une FAQ, une documentation qui est extrêmement bien faite. Qui même il y a un tutoriel qui vous incite à créer un petit jeu. On vous le fait vraiment pas à pas. Et rien qu'avec ces bases-là, vous pouvez créer un jeu. Et l'avantage de Renpy, c'est que déjà, ça vous fait gagner une compétence. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait un petit jeu sur Renpy, bah, mine de rien, vous savez coder un petit peu. C'est pas négligeable. Et aussi parce que du coup, quand vous voulez faire quelque chose de particulier dans votre jeu, par exemple, dans Klinamen, le jeu que je suis en train de développer, il y a un moment où je voulais qu'on puisse dire qui on était. Mais pas le prénom, mais plutôt son occupation. Je disais, bah, c'est chouette, je vais paramétrer des réponses possibles. Et puis le jeu reconnaîtra si c'est une des options que j'ai prévues. Et ça, en fait, c'est pas quelque chose qu'on trouve classiquement dans un visual novel. C'est plutôt quelque chose qui relève de l'interactive fiction, de la fiction interactive. Mais bon, bah, moi, j'y connais rien, donc j'y vais, je me lance et je cherche sur les forums et sur le net comment faire pour entrer une option, blablabla. Et en fait, il y a des gens qui, pour le coup, eux, maîtrisent Python, qui développent du coup, enfin, qui ont créé le morceau de code, et le morceau de code est totalement implémentable dans votre jeu qui est fait sous RenPy, parce que RenPy c'est du Python. Donc, au besoin, vous dites, hey, RenPy, là, je vais faire une vraie fonction en Python où je comprends rien, mais je fais un copier-coller de ce que la personne a dit sur le forum, et puis, oh, miracle, ça marche, ou j'essaie de bidouiller un peu, et finalement, ça finit par fonctionner. Donc, ça permet d'avoir une marge de manœuvre, je pense, beaucoup plus grande qu'un logiciel où on fonctionne par bloc logique, c'est-à-dire que vous avez vraiment personnage, temps, dit telle chose, puis choix, voilà, et vous manipulez ces blocs-là sans écrire de ligne de code. Après, si vraiment écrire du code, ça vous met dans une panique pas possible, bah, faites autre chose, commencez, effectivement, renseignez-vous, mais malheureusement, je pourrais pas vous conseiller d'autres moteurs que RenPy. En plus, RenPy a vraiment une communauté très active. La personne qui crée et maintient RenPy, elle bosse depuis les années 2000 dessus. Il y a un forum qui a perdu en vitesse depuis son âge d'or, qui s'appelle Lemasoft, où il y a énormément de visual novels qui sont postés par des amateurs. Donc c'est aussi un moyen de se retrouver et d'avoir une certaine émulation, de voir ce qui se fait. Si vous avez une question, vous pouvez poser votre question, il y a des gens qui vont vous répondre. Donc je vous conseillerais de sauter le pas, mais après, si ça vous effraie, il n'y a pas de souci. Je sais qu'il existe d'autres moteurs, mais je ne pourrais pas vous renseigner. Et puisqu'on parle de moteur, c'est bah, du coup, peut-être, est-ce que tu peux nous parler de ton jeu, celui que tu prépares, et comment par quoi on commence quand on se lance dans le visual novel? Alors, pitch rapide, donc Kinamen, c'est un jeu de science-fiction, il n'y a pas de romance pour le coup, puisque c'était quelque chose... J'ai commencé en fait avant même de jouer à des visual novels historiques, donc je n'étais pas vraiment liée par les contraintes inhérentes au genre. Vous êtes rescapé d'une planète qui a connu malheureusement quelques petits accidents, et donc vous êtes sur un vaisseau de sauvetage qui est sur le point d'atterrir à bon port, mais il reste juste 3 jours à vivre. Le problème, c'est que c'est un peu l'anarchie sur le vaisseau parce que tout le monde a un peu pété un câble. Et donc il faut survivre 3 jours et surtout faire survivre une personne qui est sous votre protection, une jeune fille qui est sous votre protection. Donc le jeu se déroule en 3 jours, chaque jour il faut régler une situation problématique, mais en plus de ça il y a une question plus large à laquelle il faudra répondre avant la fin du jeu, sinon vous ne disposerez pas de toutes les options possibles pour pouvoir résoudre le jeu. En gros, il y a une énigme par jour plus une grosse énigme sur 3 jours qui est un peu plus existentielle. Le jeu vous pose une question, à vous de réussir à y répondre. Donc, clairement, c'était un jeu bien trop ambitieux. Ça peut sembler simple comme ça. On se dit, bon, c'est bon, 3 jours, je vais avoir 3 dialogues. À chaque fois, on résout la situation. Ça me fait 3 sprites, 4 décors. C'est bon, c'est dans la poche. Et en fait, c'est l'erreur que fait tout le monde. Mais j'étais au courant. Hein. Tout le monde sous-estime le temps que ça prend. Alors, tu me demandais par quoi j'avais commencé. Et moi, je viens de la BD. Donc, la BD, on fait comment? On fait son scénario, on fait son storyboard, on fait ses planches, et puis on finit les planches, on fignole. Et ben, du coup, j'ai fait très bêtement. J'ai utilisé le même processus qui est une aberration dans le milieu du jeu vidéo. J'ai utilisé le même processus pour Kinamen. Parce que pour moi, Kinamen était un projet très court destiné à me faire la main. Je me disais, au moins, je vais faire toutes les erreurs possibles du monde. Et puis, comme ça, je verrai un petit peu mieux comment faire vraiment mon premier vrai jeu. Sauf qu'en fait, Kinamen, de fait, sera mon premier vrai jeu parce qu'il prend il prend plus de temps que ce que je ne pensais à développer. Donc, concrètement, j'ai fait le scénario, je l'ai posé. Alors la première difficulté pour moi, ça a été de faire un scénario non linéaire, puisque habitué à la BD, et ben, comment on fait quand il y a des branches, quand il y a des embranchements, comment est-ce qu'on fait pour ne pas oublier une condition, surtout que j'ai quand même prévu des options un petit peu qui ne se révèlent pas au premier abord, mais c'est pas vraiment des options méta, mais il y a quand même une réflexion sur... Il y a certaines phases du jeu qui peuvent vraiment se jouer de 2 manières différentes. Et je dis, comment je gère tout ça dans ma tête? Est-ce qu'il y a des logiciels pour ça? Ça a été vraiment une grande recherche. Je sais qu'il en existe, mais je n'ai pas réussi à me les approprier. Twine, notamment, qui est très connu pour ça. Donc, je fais ça en papier, avec toutes les failles que ça comporte. Et ensuite, une fois que j'avais fait cette structure-là, bah, je me suis lancé directement. Et hop, écriture du premier jour en entier. Et puis ensuite, bah, je code. Et puis ensuite, je fais les illustrations directement léchées. Et c'est tout le contraire de ce qu'il faut faire. Mais l'avantage, c'est que du coup, ça m'a permis d'apprendre. C'était le but, hein, de toute façon, à la base, avec ce jeu-là. Dans le jeu vidéo, c'est tout le contraire. On prototype, il aurait fallu que je fasse une structure narrative de base, que je le code tout de suite, que je fasse des illustrations, des fausses illustrations en fond, juste pour vérifier que c'est à la bonne taille, que tout va bien, que j'ai pas de mauvaise surprise. Et une fois que j'avais ce premier jour un peu solide, là, j'écris, et seulement là, j'écris. Parce que j'ai eu, c'était très intéressant, à la Japan Expo dernière, j'avais amené ma démo du jeu, bon, qui était basique, mais je voulais avoir quelques retours. Et des personnes m'ont dit « Ah oui, tiens, ah mais en fait, le personnage là qu'on voit, je suis sûre qu'en fait, il faut se méfier d'elle, elle va nous trahir. » Et je regardais les gens en jouer, je dis « Non, absolument pas, mais c'est super, enfin c'est intéressant comme piste, j'aurais peut-être pu l'explorer ou jouer en tout cas sur cette attente du joueur qu'il a, nourrir un peu sa méfiance. » Mais sauf qu'une fois que vous avez déjà écrit complètement votre première journée de jeu, bah, vous pouvez réécrire, mais c'est beaucoup plus coûteux que d'avoir une structure narrative très basique, de faire jouer les gens à cette structure narrative très basique et ensuite d'écrire véritablement le jeu derrière. Donc j'ai fait toutes les erreurs qu'il ne fallait pas faire, mais c'est très bien, c'est comme ça qu'on apprend. J'ai l'impression que tu viens totalement de répondre au thème « Les VN sont-ils vraiment des jeux ?» et également à la question précédente que j'avais posée sur la grammaire. C'est-à-dire que même si on n'a pas forcément les termes spécifiques et le vocabulaire de cette grammaire, tu viens quand même de nous esquisser ce qui différencie fondamentalement la création d'un visuel novel et l'écriture d'un roman. Ce sont des problématiques effectivement, qui sont beaucoup plus proches de celles du jeu vidéo, avec le testing, avec l'itération par rapport aux utilisateurs et aux utilisatrices, enfin aux joueurs ou joueuses. Du coup, c'est hyper riche. Donc merci, ce que tu viens de nous dire, c'est vraiment hyper intéressant. On voit mieux aussi, et du côté de la conception et du côté du jeu, à quel point c'est une expérience ludique. Il y a une ouverture que j'aimerais faire, c'est peut-être la dernière question, avant la question finale que je souhaiterais poser, parce que c'est vrai qu'on s'approche... on a dépassé l'heure, donc c'est bien, on n'a pas vu le temps passer. C'est bon signe. Donc on a parlé déjà de Doki Doki Literature Club, et moi-même, j'ai eu des propos extrêmement élogieux par rapport à ce jeu-là, en disant que, et là je fais un peu mon Nostradamus de service, mais pour moi il y a des jeux qui marquent l'histoire du jeu vidéo. Il y a eu Portal, il y a eu Mario Bros, il y a eu plus récemment peut-être Undertale, qui a été aussi un peu comparé. Pour moi il y a des jeux comme ça, 15 ans plus tard on en parle encore et on dit qu'ils ont apporté un truc par rapport au genre qu'ils incarnent ou même au jeu vidéo dans son ensemble. Et moi j'ai eu le sentiment en finissant Doki Doki et avec l'intensité émotionnelle qui m'a apporté, et j'ai eu du mal à sortir ce jeu-là. Après, j'étais tellement perturbé, j'ai eu du mal à en sortir, j'ai eu du mal à... Voilà. Et j'ai l'impression que je ne jouerai plus à un visual novel comme avant. Que les visual novels, maintenant, je ne les verrai plus de la même façon. Et là, c'est là où je prends un risque personnellement, parce que peut-être que tu ne vas pas être d'accord du tout, mais j'aimerais en tout cas que tu me dises ton avis par rapport à ce sentiment que j'ai eu du fait que Doki Doki révolutionne le genre et apporte sa brique aux jeux vidéo. Alors effectivement, je ne suis pas d'accord, mais ça tombe très bien, parce que sinon, je te repasserai les micros et ce serait la fin. Déjà en termes de ressenti, alors je suis tout à fait d'accord pour dire que c'est un super boulot, que c'est un super jeu. Je me suis ennuyée sur les deux premières heures de jeu puisque c'est pas mon style de jeu justement. Une fois qu'on commence à atteindre la spécificité de Doki Doki, là effectivement ça a commencé à vivement m'intéresser. Ça m'a laissé un impact émotionnel, il n'y a pas de souci là-dessus, j'ai été prise par le jeu, voilà. Je reconnais énormément de qualité. Je suis aussi très reconnaissante au développeur de l'avoir fait parce que son but, c'était de finalement, enfin, il l'a dit dans plusieurs interviews, de faire en sorte qu'il y ait un public différent qui vienne au visual novel. Et pour le coup, c'est complètement réussi puisque le jeu a fait un buzz pas possible. Beaucoup de gens ont testé. Bah, Adrien, du coup, teste un visual novel alors qu'il n'est pas habitué au genre. Donc, rien que pour ça, j'en suis très contente. Après, contrairement à Undertale, par exemple, qui a une hype pas possible au point de dégoûter des gens. Mais pour le coup, Undertale m'a vraiment touchée personnellement. Autant Doki Doki, j'ai trouvé que c'était un très bon coup marketing, que ça suivait une checklist, enfin qu'il y avait des points à avoir pour pouvoir créer justement un impact chez le joueur. Mais je n'ai pas trouvé l'âme. Enfin, il m'a choqué, mais il ne va pas me laisser un impact sur le long terme. Parce que peut-être parce qu'il n'a pas trouvé une résonance profonde en moi, c'était plus le choc plus qu'autre chose. Et il traite certaines thématiques qui finalement je trouve ne sont pas traitées. Elles sont utilisées, elles sont instrumentalisées, mais je trouve qu'elles ne sont pas traitées. Enfin, c'est mon avis. Après, je veux pas spoiler non plus sur le jeu. Après, il utilise vraiment, enfin, pour moi, c'est une très très bonne exécution. Il utilise des éléments qu'on a déjà vus, l'aspect méta, etc. Tout ça, on l'a déjà vu ailleurs, mais finalement, un jeu qui le condense comme ça, avec ses différents éléments, je sais pas si ça s'était déjà fait, effectivement. C'est une très bonne synthèse. Après, c'est peut-être personnel, hein, peut-être qu'effectivement, il a. Pour moi, ce sera le jeu qui a fait le buzz pendant un mois. Je ne suis pas sûre qu'on le retienne sur le moyen ou sur le long terme. Mais c'est mon avis et mon analyse. Après, je me trompe peut-être. Ce que j'ai adoré dans ce jeu, qu'on a retrouvé dans Undertale, enfin, qu'il y avait déjà dans Undertale et dans d'autres jeux d'ailleurs, c'est la dimension du jeu... alors, comment ça s'appelle ? Le sigle, c'est ARG, mais je ne sais plus... Alternate Reality Games, des jeux en réalité alternative. Merci. Où effectivement, le jeu se poursuit, la recherche des secrets du jeu se poursuit dans le monde réel. Il y a Oxenfree aussi qui jouait là-dessus, c'est-à-dire que finalement, les joueurs essaient de découvrir les secrets du jeu. Et là, pour le coup, ils commencent à rechercher dans le code, à rechercher partout, et les développeurs ont laissé des indices, et on dit « Ah tiens, on va voir telle URL, oh, et puis tiens, sur Twitter, à telle date, il va y avoir telle chose qui va être postée, ça va être très intéressant. » Et j'ai adoré me renseigner, alors je ne l'ai pas fait moi-même, mais j'ai adoré me renseigner sur cet aspect caché du jeu, où les joueurs ont essayé de découvrir le secret de Doki Doki, et ont trouvé des liens en fait, avec le futur jeu de la Salvote Team, donc les développeurs du jeu, ce qui est de bonne guerre. C'est-à-dire qu'effectivement, le jeu est gratuit, Doki Doki, alors que c'est quand même, enfin en termes de réalisation, ça a dû prendre un certain temps. C'est quand même, il est très très très bien réalisé. C'est un super coup marketing pour moi. Et j'ai du mal à lui trouver une âme authentique, comme je trouve dans Undertale, où il y a vraiment une écriture particulière, un humour. C'est très spécifique. Voilà, c'est mon ressenti sur Doki Doki. Mais je comprends tout à fait qu'on adore ce jeu. Moi-même, il m'a laissé un impact, hein, c'est ce que je disais. De toute façon, là, sur cette question, il n'y a que le temps. Et que l'avenir qui peut nous dire si finalement les futurs créateurs et créatrices de visual novel, mais aussi d'autres genres de jeux, vont repiocher dans des éléments et vont, comme on a vu avec Portal, hein, Portal c'est un jeu qui a fait des enfants après, donc seul l'avenir nous dira finalement si ça va marquer un tournant ou non. Est-ce que Adrien, tu veux poser la question de fin ? Parce qu'on pose la même question à tous nos invités. Quel que soit le sujet abordé pour toute cette saison de ludologie. Alors oui, juste avant de poser la question, je conseillerais juste à nos auditeurs à s'intéresser à un truc qui s'appelle Froggy Frog quelque chose Frog. Cherchez ARG Frog et vous trouverez des choses apparemment très intéressantes. Donc oui, la question traditionnelle pour cette saison, c'est une question donc, qu'on a posée à plein de gens. Des chercheurs et chercheuses, des amateurs éclairés, etc. On a tous parfois, je sais pas, ça peut être chanter du Alizé sous la douche. On a tous comme ça des plaisirs un peu coupables. Et du coup, quel est ton plaisir coupable en matière de jeu pour le coup? Ça tombe très bien puisque deux semaines, j'ai une période. Je suis plutôt quelqu'un qui essaie de me mettre des objectifs, d'avancer dans des projets. Il faut être productif, blablabla, etc. J'ai eu une phase là, quelques jours, mais vraiment glandée comme pas possible. Et c'était sur un jeu auquel je m'attendais pas, je pensais pas y rejouer. Alors, c'est pas mon guilty pleasure, c'est pas mon plaisir coupable habituel. J'ai pas de doudou que je. Le seul jeu auquel je revienne constamment, c'est Phoenix Wright, mais je le considère pas du tout en plaisir coupable. Je n'ai aucune culpabilité à rejouer à Phoenix Wright. C'est vraiment un excellent jeu. Mais là, oui, il y a deux semaines, c'était Dragon Age Inquisition, qui est un bon jeu, mais qui a quand même, je trouve, pléthore de défauts. C'est quand même des quêtes FedEx, en veux-tu, en voilà. Mais évoluer dans ces environnements-là, les beaux paysages, voir que je suis... de toute façon, ça, c'est tous les jeux de BioWare. Hein, on est le centre du monde et que le monde tourne autour de vous et évolue en fonction de vos actions, même si c'est simplement aller tuer les 5 monstres à côté de votre QG. Eh bien, ouais, non, c'est agréable. Et j'y ai joué... j'avais honte, pour le coup, d'avoir passé 30 heures sur ce jeu, puisque je me dis qu'elles auraient été mieux employées ailleurs. Mais pour le coup, oui, j'apprécie ces heures de jeu. Donc, je pense que ça rentre un peu dans la définition du plaisir coupable. Ben merci beaucoup. Donc, ça va marquer la fin de cet épisode qui est passé très très vite sur les visual novels. Donc merci beaucoup Alia d'avoir pu nous éclairer sur ce genre de jeu dont on parle pas assez souvent, mine de rien, par rapport à par rapport à la masse de joueurs et de joueuses que ça concerne et au nombre de jeux. Enfin, je sais qu'à partir du moment où, alors j'ai joué à Doki Doki, mais du coup j'avais joué sur en passant par Steam, et du coup avant j'avais joué à un ou deux visual novels de Hanako, et après ça toutes mes propositions de jeux sur Steam, enfin, il n'y avait pas un jeu qui soit pas un visual novel. C'était même un peu gonflant, parce que parfois, bah, on a bien changé de genre de jeu et tout. Et enfin, ça, c'est l'algorithme Steam aussi qui veut ça. Mais oui, enfin, comme quoi, il y a effectivement pléthore de jeux. Donc, ça m'a renvoyé à effectivement de ces souvenirs-là. En attendant, dans deux semaines, vous aurez un nouvel épisode de Ludologie. Je ne me souviens plus le thème, mais ce sera la surprise pour tout le monde, je pense. Et en attendant, ben, n'oubliez pas, jouez souvent, jouez avec plein de gens, jouez à du visual novel, découvrez le visual novel, c'est un genre qui n'est pas assez découvert. Et à la fois prochaine.